ferré comme les murs de ma ville. Faut veste qui l'abordage, matelot quand les bacs naviguent. Ils parlent de trafic, ils sont bons qu'à manger de points. J'étais débordé sur un coin, mais je voulais gérer deux coins. Et je te parle pas de la suite, de toute façon je veux plus m'en rappeler. Dans les mains fermes de la justice, ma liberté en apnée. C'est pas d'origine, leur loyauté customisée. Je suis sur une bonne affaire, je vois au texte qui veut miser. Ma ville, j'en ferai un musée, je vais accrocher tous mes disques. Frère, la rue ça va t'user, tu vas pas rentable tous les risques. Non, ça rend fou quand je trouve pas mon briquet ou mes feuilles. Ou quand ils me rendent même pas un euro symbolique dans ma fouille. En full black comme Guy 2 ou comme les ambitieux la nuit. On applaudit pas d'une main, j'aurais toujours besoin d'appui. Et va ranger ton para, faut un pare-balles sous la pluie. Là c'est 59 carats, tiens Bécard, tu leur traduis. Par chez moi, c'est pas le soleil qui brille. On vend pas de rêve à travers la vitrine. Y'a des briques cachées sous les débris. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on écrit. Par chez moi, c'est pas le soleil qui brille. Par chez moi, c'est pas les oiseaux qui chantent. On a gravi des échelons, parcouru des obstacles. On n'a pas demandé d'Oscar, on sait qu'il n'y a rien de fantastique. Les soirs où j'ai l'inspi, c'est parce que je fais des cauchemars. On veut marcher autre part que dans les champs du casse-pipe. Autour de moi, que des briques, on avait faim, on a pris. Je le répète, on avait faim, on a mangé ce qui était même pas comestible. Le pilon, ça me rend narcoleptique, alors j'essaye d'arrêter ça, Morphée ne me reconnaît plus. Je crois que ma vie se résume à faire des sacrifices. Il paraît que plus c'est long, plus la victoire est sacrée. On n'oublie jamais d'où on vient. Demande à ZK sur les violons, ça rame sans les artifices. C'est le passé, je veux pas t'en faire un roman pour se faire du mal. On sait où c'est, on sait où c'est cassé, on sait où si ou faut pas appuyer. Un regret, un remords ou la mort d'un vrai, ça pourrait nous tuer. Par chez moi, c'est pas le soleil qui brille. On vend pas de rêve à travers la vitrine. Y'a des briques cachées sous les débris. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on écrit. Par chez moi, c'est pas le soleil qui brille. Par chez moi, c'est pas les oiseaux qui chantent.